Wally Boulevard. Ki ayisyen kap dimache New York san fizi. Mwen nou monsieur Normati. Le bon yo ke bo yo devo se lè mouri polis vini. Mwen nou monsieur Normati. Ki ayisyen kap dimache New York san fizi. Mwen nou monsieur Normati. Le bon yo ke bo yo devo se lè mouri polis vini. Mwen nou monsieur Normati. Padam kape sou flat bouch mwen rayon polis ap vini. Si mwen ma van drug, mwen di mwen chè ou mwen ti. Li vin pou vin cheke, mwen di mwen pa gen yen. Se nan yon ti bag, mwen ta prala pou mcheke yon ti zen. Big up phantom, mwen mwen ta pou kombo. Si sa te depi mnen balan, mwen mwen de kote moun yo. Tim tim bwa sek, mwen kouri le mouvri pot nan yon simiche. Pase mwen wè yon tet san ko. A, B, C, D, F, G, souple batay si danje. Mem sou konje football, denye gol nan se pou pele. A joue mamam, mamam se kreyol. Fizim se boussol, kompam se la kol. Original haïtien. Kwa de bouke, gene ki pase Brooklyn fet, Haiti fet, kwa de bouke, kwa de bouke. Tande, ki a yise kap di mache New York san fizi. Mwen nou monsieur Normati. Le bom yo kembo yo devo, se lò mou polis vini. Mwen nou monsieur Normati. Ki a yise kap di mache New York san fizi. Mwen nou monsieur Normati. Le bom yo kembo yo devo, se lò mou polis vini. Mwen nou monsieur Normati. Président, mwen pa vle président. Passe mikrofon nan mwen se gouvernement. Bonhomme se Wyclef, yo rele m'fanfan. Mwen gen yon tisseur, yo rele wosawan. Mwen gen yon cheval ki vole chak soir. Mwen gen cheve poivre, mwen pa vle cheve soir. Bad boy haïtien ki soti yon an Haiti. Depi mwen problème, mwen rale ouzin. Le mal l'école américaine te konjure. Yo tire le mnegwe, yo rele m'tine kine. Jan yo pale mwen, yo pa civilisé. Jan yo pale mwen, yo pa kont bon dieu. 45 bon kote m'plis mwen gen de pie kole. Si yon nek teste ma pepe te de grenjil. Original haïse ki soti Jerusalem. Si yon nek teste ma nesa ou pa pwen noel. Ki haïse kap di mmanje New York san fizi. Mwen nou monsieur Normati. Le bom yo kembo yo devo se lè mou e polis vini. Mwen nou monsieur Normati. Ki haïse kap di mmanje New York san fizi. Mwen nou monsieur Normati. Le bom yo kembo yo devo se lè mou e polis vini. Tande! Kote mwen yo woy mwen pa wèm. That one day we all go. So keep your head to the sky. See the path we refuse is the path we should choose. Dimanche New York sans fusil. Man, you should know that one day we all go. So keep your head to the sky. See the path we refuse is a path. Shot it. Ki ayise kap di mache New York san fizi. Mwen nou monsieur Normati. Le bom yo kembo yo devo se lè mou e polis vini. Hey! Hey! Bon bagay yo tim ke. Konnen ki nem yo? Fi Pétionville. Fi Pétionville. Pa vle nèg ki gen cheve poivre. Mwen gen cheve poivre.